La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, de l'interprétation des signes. Nous sommes entourés de signes dont l'interprétation nous semble toujours claire. Un feu rouge, un feu vert, la croix verte d'une pharmacie. Pour nous tous, ils signifient exactement la même chose. C'est donc le signe que ces signes nous indiquent avec fermeté, le sens qu'il faut que nous leur accordions, sans que nous ayons à procéder à un gros travail mental d'interprétation, et sans que notre subjectivité propre soit engagée dans l'affaire. En clair, ces signes clairs semblent objectifs. Mais il arrive que nous nous trompions, que nous interprétions un signe de façon erronée. Comment interpréter de tels accidents de signalisation? Que veulent dire ces divorces entre le signifiant et le signifié du signe? Et que nous apprennent-ils sur la façon dont notre esprit fonctionne, perçoit, interprète et comprend le monde qui nous entoure? On devine que ces questions sont compliquées. Alors pour les aborder, j'ai invité un cerveau. Un cerveau humain, donc banal en un sens, mais néanmoins très particulier puisque ce cerveau n'est autre que celui de Lionel Nakache soi-même. Bonjour Lionel Nakache. Bonjour Étienne Klein. Votre tête est encombrée de casquettes. Vous êtes neurologue, professeur de médecine à la Pitié-Salpêtrière, directeur d'une équipe de recherche à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et vous êtes également membre du Comité consultatif national d'éthique. Ça fait beaucoup de choses. Alors vous venez de publier un livre qui s'intitule « Le champ du signe ». C'est la raison de mon invitation, plutôt la raison du choix du sujet pour lequel je vous invite. Et le sous-titre de cet ouvrage, c'est « Aventures et mésaventures de nos interprétations quotidiennes ». Là, j'avais une première question à vous poser, Lionel Nakache. Un jour, quelqu'un a dit « L'humanité est parvenue à identifier des galaxies qui sont à des milliards d'années-lumière d'ici, à étudier des particules bien plus petites qu'un atome, mais elle n'a toujours pas élucidé le mystère de ce kilo et demi de matière qui se trouve entre nos deux oreilles ». Qui a dit cette phrase ? Écoutez, je suis d'accord avec son auteur. Je ne sais pas si c'était Einstein ou quelqu'un d'autre qui a dit ça. Non, c'est Barack Obama qui a dit cette phrase le 2 avril 2013. D'accord. Le jour où il a lancé le projet BRAIN. Donc il y avait quand même une motivation. Il y avait une motivation. Et est-ce que, c'est la première question, est-ce que notre cerveau est capable de se comprendre lui-même ? Ben, comme vous savez, c'est une question en soi à laquelle on n'a évidemment pas de réponse, qui fait partie de la question de la thématique de l'intelligibilité même de l'esprit humain par l'esprit humain. On peut passer vraiment des heures à jouer avec même parfois ces paradoxes de l'esprit, de se dire, de réaliser par exemple que la plupart des outils, même technologiques que nous utilisons, la plupart du temps, la plupart d'entre nous ignorons la structure ou la computation ou toute l'architecture fonctionnelle qui permet à ces outils. Vous prenez un GPS, vous demandez à quelqu'un comment fonctionne un GPS. Eh bien, nous sommes souvent très ignorants. Donc, la question qu'on peut déployer, c'est quand bien même nous serions capables de comprendre à peu près ce que nous faisons, est-ce que cette compréhension humaine, cette intelligibilité humaine, elle sera capable de se décrypter elle-même? Et peut-être que, comme vous le savez, aujourd'hui même, ces choses-là qui sont longtemps restées des expériences de pensée, qui faisaient simplement des délices de conversation ou de salon ou de conférences en sciences cognitives ou en philosophie, aujourd'hui, on peut les poser de manière tangible quand vous réfléchissez, par exemple, à tout ce qu'il y a autour du deep learning, du big data. Dans nos laboratoires, on commence à utiliser ces techniques. Et comme vous le savez, ce qui est assez vertigineux, c'est que vous pouvez garder une approche assez rationnelle. Vous vous dites, j'ai un modèle théorique de comment fonctionnent les choses, et je vais essayer de tester ce modèle, de l'alimenter, de le confronter à la réalité de données, etc. Et comme ça, on peut avancer avec un peu cet honneur de l'esprit, comprendre, vouloir comprendre, poser des principes que l'esprit humain peut appréhender. Mais on peut faire autre chose, une sorte de puissance aveugle où vous nourrissez un algorithme dans des espaces multidimensionnels que vous ne pouvez pas vous représenter mentalement de manière simple et voir apparaître des solutions, des performances en tout cas de classification pour lesquelles vous restez à peu près assez aveugle quant au principe qui sous-tend ces performances. Donc je crois que cette question, on ne pourra pas y répondre, mais on peut encore l'alimenter par nos discussions. Mais est-ce que le cerveau pourrait être plus intelligent qu'il est complexe ? Je veux dire, est-ce que l'intelligence, conjointe sa complexité, pourrait-elle être assez puissante pour cerner la complexité dont elle provient? Alors, une fois de plus, on peut poser des conjectures ou donner des éléments. Un des points importants pour le cerveau humain, c'est que si on pense le cerveau humain comme un objet fixe dans le temps, ou comme un objet isolé, c'est-à-dire vraiment prendre un cerveau dans un bocal ou tout ça, on passe à côté. C'est-à-dire que la manière de laquelle le cerveau fonctionne, pour arriver à l'appréhender, il faut prendre la dynamique de constitution d'un cerveau, c'est-à-dire comment il s'est construit dans les interactions avec l'environnement, avec les autres, et surtout aux interactions sociales, c'est-à-dire les interactions entre plusieurs cerveaux. Ce que nous sommes en train de faire, par exemple, maintenant, et que souvent, de la rencontre entre deux cerveaux qui ont chacun eu une histoire, va pouvoir naître des questions, des choses, des paradoxes, donc une pensée plus complexe et plus riche que celle qui provient de deux cerveaux isolés. Et on fait ça au laboratoire, je pense aux travaux du groupe de Chris Frith à Londres, qui il y a quelques années a publié dans Science une très belle étude qui montrait que dans des décisions de prise de décision un peu complexes, on vous montre un stimulus, parfois on le voit, parfois on ne le voit pas, on ne sait pas vraiment dire. Et un des chercheurs de l'équipe de Chris Frith, Barami, je crois, si je me souviens bien de son nom, avait publié cette étude dans laquelle on montrait que l'interaction humaine entre deux observateurs qui passent l'expérience en même temps mais qui ont le droit de communiquer entre eux permet d'atteindre un niveau de performance qu'on ne peut pas obtenir lorsqu'on est tout seul. Il y a une interaction entre eux. Donc, à nouveau, pour penser le cerveau, il ne faut jamais oublier que pour comprendre comment le cerveau fonctionne, notamment dans les aspects cognitifs, il faut penser à cette dimension sociale et la dynamique dans le temps. Comment ça s'est construit dans le temps un cerveau qui fonctionne ? Mais est-ce que la seule façon de comprendre le cerveau, Lionel Nakache, c'est de regarder quels sont les effets produits par ces pathologies ? Vous êtes déjà venu à l'émission il y a quelques mois et vous nous aviez parlé d'une femme persuadée que son mari est un sosie de son mari. Le syndrome de Capgras. Voilà, oui. Et puis aussi d'un patient hémiplégique qui était convaincu de ne pas l'être, oui. Et que la partie de son corps totalement paralysée ne lui appartenait pas. Absolument. Ouais. Alors qu'est-ce que ça peut apprendre du fonctionnement du cerveau normal, oui, quand on regarde les pathologies, oui. Et est-ce qu'on peut le comprendre lorsqu'il n'y a pas de pathologie ? Alors, ça fait toute une série de questions fascinantes. Première question rapidement, évidemment qu'en fait l'observation, et c'est peut-être aussi l'activité que j'occupe, qui vous parliez de ces différentes casquettes, en tout cas il y en a deux qui sont à la base de ma façon de travailler, qui sont la neurologie d'une part, donc la rencontre avec des patients, et d'essayer avant tout évidemment de tisser un lien et d'aider ces patients dans les pathologies neurologiques notamment qu'ils peuvent présenter, et puis à la recherche au laboratoire avec des patients ou avec des sujets qui vont bien. Alors pour aller très vite, l'étude des maladies neurologiques, souvent, nous permet de comprendre le fonctionnement du cerveau normal, parce que la pathologie va, d'une certaine façon, et je le dis sans aspect péjoratif, va caricaturer le fonctionnement normal. Et donc va nous mettre sous les yeux, souvent, ce qu'on appelle en neuropsychologie des dissociations. Un exemple très simple, quand on comprend que un patient totalement amnésique qui... vous entrez dans la salle où il est, vous parlez avec lui, il vous parle normalement, il compte, tout va bien, sauf qu'il n'est plus capable de créer un nouveau souvenir. Quand vous sortez de la pièce, vous comptez jusqu'à 3 et vous revenez à nouveau, il n'a pas un souvenir de ce qui s'est passé 4 secondes avant ou 3 secondes avant. Donc dans les amnésies totales, quand on découvre que ces patients sont capables de mémoriser de manière inconsciente, par exemple des itinéraires, des apprentissages qu'on appelle implicites ou des apprentissages procéduraux, apprendre à faire des gestes compliqués alors qu'ils ne s'en souviennent pas. Bref, quand vous découvrez avec ces patients qu'un patient amnésique est quand même capable de mémoriser par d'autres mémoires, eh bien, vous découvrez grâce à la pathologie humaine le fait que la mémoire, ce n'est pas une sorte d'iceberg monolithique, mais c'est une collection de systèmes indépendants. Et une fois que vous avez découvert ça chez les malades, vous pouvez de manière plus subtile démontrer que ça reste toujours le cas, même chez des gens qui ne sont pas malades. Simplement, pour cela, il faut faire appel à des techniques beaucoup plus sophistiquées et il faut avoir une idée, souvent, en étudiant la pathologie. Donc, réponse à votre première question, ce n'est pas la seule façon d'avancer en science de la neuropsychologie, mais l'étude des pathologies du cerveau, et donc des pathologies de la cognition ou des émotions, sont extrêmement importantes pour comprendre le fonctionnement d'un cerveau qui ne souffre pas de ces pathologies. Alors, je l'ai rappelé en introduction, Lionel Nakache, vous publiez un livre, Le Champ du Signe, oui. S-I-G-N-E, c'est important, oui. Et vous parlez de ces questions d'interprétation des signes qui semblent le plus souvent évidentes, mais qui parfois conduisent à des contresens. Alors, qu'est-ce qui fait que quand je vois une croix verte, par exemple, je comprends tout de suite que ça désigne une pharmacie? Alors probablement, avant tout, évidemment, c'est qu'il y a une longue exposition de votre cerveau, et de votre système nerveux, de vos yeux et de vos rétines, au fait que vous avez croisé des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois des croix vertes. C'est une sorte d'éducation. Oui, d'éducation, d'apprentissage, par la répétition, par l'automatisation, par l'association vraiment de la forme d'un signe à son sens, en fait. Hein. Une association un peu d'ici, d'une sorte, on pourrait dire, de dispositif minimal, de signifiant, signifié d'un signe symbolique, et qu'à force de répétition, non seulement ça a été appris, mais ça a été automatisé de manière extrêmement efficace et qu'il suffit de vous exposer à ce signe pour que sans effort, sans ce qu'on appelle sans agentivité, vous n'avez pas l'impression d'être aux commandes, de vous creuser la tête, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Quand vous voyez la croix verte, c'est ça un des points importants, quand vous voyez la croix verte, ce n'est pas que vous prenez conscience dans un premier temps, ah, il y a une croix verte, et que dans un second temps, vous vous dites « Ah oui, mais la croix verte, je sais bien que c'est dans les pharmacies qu'on les voit. » Ça se passe en même temps. Ça se passe en même temps. C'est-à-dire que la chose dont... En fait, il ne se passe rien, la vision est suffisante. Oui, alors ensuite, il faut qu'on développe le mot « vision », parce que la vision ici n'est pas tellement celle de l'œil, mais celle du cerveau. C'est-à-dire que quand vous voyez une croix verte, il se passe en fait une durée qui va durer à peu près 2-3 dixièmes de seconde. Ce qui pour nous est beaucoup, hein, comme en physique, le temps est important. Je veux dire, déterminer la vitesse de la lumière ou les vitesses des particules, c'est essentiel. Donc ce n'est pas instantané. Mais donc quand l'image de la croix verte de la pharmacie vraiment s'affiche et frappe vos rétines, la lumière frappe vos rétines, votre photorécepteur construit une première image rétinienne de cet objet qui va être transmise au cerveau. Il faut à peu près 3 dixièmes de seconde, donc 300 millièmes de seconde, durant lesquels il y a un traitement qui n'est pas conscient. Autrement dit, ce n'est pas encore le moment où subjectivement on peut dire « je vois une croix verte de pharmacie », etc. Mais il va se passer une première action qu'on peut vraiment qualifier d'interprétation, la naissance d'une interprétation du signe, riche d'attributs sémantiques, non seulement de sa forme, mais de sa signification, et que tout cela procède de manière inconsciente, à notre insu, et c'est seulement dans un deuxième temps de la perception, qui lui va débuter vers à peu près 3 dixièmes de seconde, qu'on prend conscience de ce qui a été bâti, élaboré, construit, interprété dans la première étape. Et le point intéressant, un des points intéressants, et comme souvent vous savez en science, les choses vraiment triviales, elles sont souvent profondes, le fait de réaliser que quand vous prenez conscience de la croix de la pharmacie, à nouveau, vous prenez conscience immédiatement, on pourrait dire, du signifiant et du signifié, c'est-à-dire qu'immédiatement, ce dont vous prenez conscience, ça a un sens. Vous voyez une forme qui est assignée à un sens, et ça ne demande aucun effort de votre part, conscient, aucun effort volontaire, et bien ça, c'est un premier résultat qui est très important de comprendre, et c'est vrai, évidemment, pour tous les autres signes avec lesquels nous collisionnons. Feu rouge, par exemple, je comprends tout de suite, ça peut même déclencher une action de ma part sans même que je sois conscient d'avoir vu un feu rouge. Ah oui, et dans ce cas-là, c'est encore, on pourrait dire, c'est encore plus spécifique dans le sens où il y a des signes qui sont associés à des schémas qu'on pourrait appeler perceptivo-moteurs. Donc vous avez des formes, on pourrait dire, des formes de super réflexes, non pas les réflexes de la moelle épinière, mais qui se passent vraiment dans notre cerveau, dans notre cortex, mais dans lesquels on va associer un stimulus à un code de réponse motrice, une action. Et dans ces cas-là, on l'a montré au laboratoire, et c'est évidemment le cas du coup aussi quand vous êtes en voiture et que vous voyez un feu rouge, si on mesurait le moment auquel vous commencez à freiner, donc à avoir en fait envoyé un ordre moteur qui provient du néocortex, hein, des régions motrices du cortex, eh bien cette action va être initiée avant même que vous ne preniez conscience, donc elle va être initiée durant la première étape, ces 3 dixièmes de seconde inconscient qui prépare en coulisses, dans les coulisses de la scène de la conscience, ce dont on va prendre conscience subitement, en ayant l'impression de n'avoir rien fait, d'avoir simplement ouvert les yeux sur le monde. Alors que ce dont vous prenez conscience, c'est effectivement un travail sur un objet qui vient du monde, ici le signe qui est à l'extérieur, mais qui intègre déjà un énorme travail d'interprétation qui est vôtre, mais qui n'est pas conscient. Lionel Lacaz, je vous ai présenté comme neuroscientifique ou neurologue. Oui. Page 18 de votre livre, vous parlez de la physique des particules, des collisions. Ah oui, qu'est-ce qu'elle vient de faire là? C'est parce que je savais que j'allais venir chez vous. Non, c'était pas du tout garanti. C'était pas garanti, absolument. C'était un pari osé. Non, c'est d'abord la physique. Moi, je pense comme beaucoup de gens, et pas seulement de chercheurs, et pas seulement de scientifiques, mais l'apprentissage de la physique. Souvent, c'est une rencontre assez forte. Ça dépend aussi évidemment des professeurs sur lesquels vous tombez, etc. Mais le fait, même de manière, on pourrait dire, ça a remonté une vision presque mécanique, presque 17e siècle, de commencer à penser des lois mécaniques du monde. C'est un choc en général. En tout cas, moi, ça l'avait été à l'époque et j'étais pas destiné à être physicien. D'ailleurs, je suis pas physicien, mais tomber sur la physique ou la physique qui vous tombe dessus, c'est quelque chose que vous n'oubliez pas facilement. Et évidemment, on pourrait dire que nous, on fait d'ailleurs de la psychophysique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à déterminer les lois naturelles qui gouvernent des phénomènes assez abstraits qui vont avoir affaire avec la conscience. Alors, si vous me posez la question, la seule chose dont je me souviens, en ayant l'impression que ce n'est pas trop reconstruit, c'est qu'en terminale, je savais vaguement que ce qui m'intéressait, je ne sais pas si j'allais le faire ou pas, mais que ce qui m'intéressait, c'était un peu aux confins de la philo et de la physique, c'était d'avoir une sorte de physique, mais de la subjectivité. Comment c'est possible qu'un être vivant, un organisme biologique, soit capable un beau matin de se dire « j'existe, je suis là, je vous vois ». Donc, cette expérience consciente, comment émerge-t-elle d'un système biologique, donc on peut dire une sorte de psychophysique. Alors on est loin d'y aboutir, et d'ailleurs vous avez vu que la référence à cette physique des particules, c'est une référence assez métaphorique, et je prends vraiment je fais attention à dire qu'on est très très loin d'avoir des modèles aussi spécifiés, aussi... Mais vous dites surtout, quand on fait des collisions de particules à haute énergie, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'événements qui ne sont pas intéressants. Exactement. Et on cherche des signaux qui soient significatifs. Absolument. comme ceux qui montraient en 2012 l'existence du boson de Higgs. Et donc, il faut faire le ménage dans les données. Oui. Toutes ne font pas sens, toutes n'ont pas d'intérêt. Oui. Et il faut donc faire une sélection assez drastique. Et c'est un peu la même chose pour vous. Vous regardez qu'est-ce qui, dans la vie quotidienne, nous montre des choses qui peuvent nous apprendre la façon dont notre objectivité ou notre subjectivité s'impose. C'est exactement ça, et plus encore plus précisément, l'idée c'est que chaque jour de notre existence, nous nous collisionnons avec des signes, hein, sans être trop pompeux, mais on peut appeler ça des collisions. On rencontre un signe dans la rue, et en fait, si vous réalisez, si vous devez compter le nombre de signes sur lesquels vous tombez dans une journée, c'est plusieurs milliers, sans parler des signes de vos téléphones, signes numériques, signes auditifs, visuels. Donc, on est dans un univers où on se collisionne sans cesse avec des signes. La plupart de ces collisions, comme elles sont avec des signes qui sont des produits de la signalétique, ce sont des signes que j'appelle fermés, univoques. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont nous prenons conscience, c'est le sens attendu du signe. Donc on n'a pas vraiment l'impression d'être un interprète du monde, que notre subjectivité. Oui, les signes ne sont que des indicateurs, en fait. Oui, des indicateurs, et surtout on a l'impression de nous plier à une sorte de tyrannie du signe. Et c'est là que je prends la référence avec la physique, c'est que en physique, de la même façon qu'en physique, un événement très rare, rarissime, qui produit 1 sur 1 milliard de collisions, peut être extrêmement important pour comprendre le sens du monde. Eh bien là, il y a quelque chose de similaire, c'est que l'immensité de nos collisions, en fait, sont banales, sont pas intéressantes, on obéit aux signes, entre guillemets, en tout cas, on a l'impression, subjectivement, qu'on a fait qu'obéir à des signes. Et là, c'est l'objet du livre, c'est de s'intéresser à ces très rares événements, mais que chacun d'entre nous a vécu. C'est des événements où on est face à un signe qui veut dire quelque chose intrinsèquement. Mais pour une raison qui va nous permettre de construire ce livre et cette réflexion, on l'interprète de manière incorrecte. Alors c'est souvent c'est amusant et drôle parce que on part sur une fausse piste, on prend un signe pour quelque chose qui est absolument aux antipodes de ce qu'il est censé vouloir nous faire comprendre. Et au terme de cet donc j'appelle ça un accident de collision, cette fois-ci c'est pas une collision mais c'est une collision accidentée au sens où ça s'est pas passé comme prévu. Au terme de cet accident de collision, vous finissez en général par retomber sur vos pieds. Par comprendre ce que vous auriez dû comprendre et que vous n'aviez pas compris. Et c'est là qu'on arrive sur le cœur du livre. C'est qu'une fois que vous avez fait ce parcours, vous faites un accident de collision, vous finissez par comprendre que vous vous étiez trompé. À ce moment-là, il devient évident, même subjectivement pour chacun d'entre nous, que si ce que j'avais compris du signe était incorrect, cette compréhension du signe incorrect ne venait pas du signe, mais venait de moi. Et donc ça vous renseigne sur votre subjectivité. Ça vous révèle comme interprète du signe. Et évidemment, toute l'élaboration, c'est de comprendre, une fois que vous comprenez ça dans ces situations extrêmes, très rares et très drôles, souvent de notre vie quotidienne, eh bien, il y a tout un travail, c'est celui que j'essaie de faire dans ce livre, d'arriver à partir de ces événements rares, à montrer que la même chose survient, même lorsque nous comprenons les signes de manière, entre guillemets, correcte. C'est nous qui sommes, en fait, aux commandes de l'interprétation. Vous allez nous donner des exemples, Lionel Lacache, mais avant, nous allons écouter un morceau de musique que vous avez choisi, Le Lac des Signes, comme par hasard. Aimeriez-vous les jeux de mots ? Ah, absolument, mais je suis en bonne compagnie. Tchaïkovski, Le Lac des Signes, CY, choisi par Lionel Lacache qui vient de publier Le Chant du Cygne, S-I-G-N-E. C'est pas un peu facile? Écoutez, peut-être que c'est facile, mais en tout cas c'était sincère. Et en fait, c'est pour éclairer évidemment l'homophonie du titre de ce livre. Un titre d'ailleurs que je dois à mon épouse Karine, qui m'a beaucoup aidé sur ce livre en général. Et alors l'idée, en fait, pour que ce titre, je pense, éclaire très bien le cœur du contenu. Alors de quoi s'agit-il ? Parce que si vous écrivez donc le titre de ce livre, Le Chant du Cygne, mais cette fois-ci non pas tel qu'il existe S-I-G-N-E, mais C-Y-G-N-E, évidemment, on tombe sur cette figure du chant du cygne. Et vous savez que depuis Platon, on décrit cette notion du chant du cygne en disant que l'animal, le cygne, juste avant de mourir, c'est le moment en fait où il va déclamer son plus beau chant, le plus beau chant juste avant de mourir. le chant du cygne, donc clin d'œil par le lac des cygnes. Et pourquoi ? Alors, ramené au projet du livre, c'est que si on revient sur ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que on vit dans un univers où les cygnes que nous rencontrons sont conçus pour être de manière de plus en plus efficace des cygnes fermés, des cygnes univoques. Non pas des cygnes avec plein d'ambiguïté, plein de charme, d'interprétation, de polysémie, mais quelque chose qui est fait pour être fonctionnel, pour que vous compreniez ce qui se passe dans toutes les dimensions de nos vies, même sur nos téléphones, sur nos écrans. Et que nos collisions avec ces cygnes de plus en plus formatés par une signalétique, on peut se poser la question que confrontés à ces milliers de collisions qui nous donnent subjectivement à voir une tyrannie du signe, on se plie au signe, nous ne sommes plus les interprètes, en tout cas on a l'impression que nous ne sommes plus, du coup on peut se demander, est-ce que là on est en fait, aujourd'hui quand on prend conscience de ça, est-ce que ce que l'on est en train de faire tous ensemble, c'est de pousser le dernier champ de subjectivité avant de disparaître et de devenir des objets qui répondent à des signes. Voilà. Quel programme ! Mais il y a un deuxième morceau, heureusement, donc je ne révélerai pas tout à l'heure, encore tout à l'heure. Juste un teaser, on se sauvera par le deuxième morceau. Est-ce que le fait que signe est pour anagramme singe, ça vous inspire ? Alors ça, vous voyez, c'est... Et dès que le signe singe, sens qui s'impose à nous, c'est superbe, sans le posséder en soi, c'est la lecture qu'il impose et non pas un sens qui viendrait du signe lui-même. Ou une monnaie de singe, voilà. D'une façon générale, l'anagramme change l'interprétation qu'on doit donner à un mot. On découvre un autre sens que celui qui s'impose par la première lecture. Oui, je trouve que l'anagramme est un art, on pourrait dire, dans cette dimension-là, qui est assez éclairant, et évidemment qui repose quand même sur un effort intentionnel plus important, sauf peut-être pour vous ou votre co-auteur aussi de ce livre sur les anagrammes, pour lesquels ça peut devenir une sorte, non pas de synesthésie, mais une sorte de gymnastique, un petit peu de permutation presque sans effort, peut-être, je ne sais pas. Interroge la question du sens, par exemple, si je dis « carpe diem », l'anagramme c'est « ça déprime ». Ça fait quelque chose. Ah oui, c'est intéressant. Si je dis « les Le Pen », ça fait « le spleen ». Ça fait quelque chose aussi. Vous avez communiqué autour de ça avant les élections présidentielles. Non, parce que c'est pas encore. Enfin bref. Non, mais en tout cas, clairement, l'anagramme en singeant, comme vous le disiez, le déplacement du sens participe de l'effort de ce que j'appelle cette rupture de l'automatisme du signe. C'est-à-dire qu'en réalité, tout revient souvent à ça, c'est que soit par accident, quand vous comprenez mal un signe de la vie courante, soit quand vous, à dessein, vous essayez de former, de forger ou de communiquer des signes. Et c'est, je crois, ce qui se passe beaucoup dans la poésie ou dans la littérature. En tout cas, certains auteurs, notamment, usent beaucoup de cette méthode qui permet, en fait, en détournant, en obligeant une rupture entre une lecture automatique du signe qui vous mènerait nulle part par rapport à ce qui est, en fait, signifié par l'auteur, qui vous offre la possibilité de faire une rupture de cet automatisme, de reprendre une sorte de main volontaire, consciente, agentivité, pour vous demander ce que veut bien vouloir dire ce signe, eh bien, cette façon de détourner le signe, non seulement vous permet de vous réinstaller comme interprète d'un signe, et de vous sentir vous-même comme dans un processus d'interprétation subjective, mais de manière encore plus étonnante, presque amusante, souvent, quand vous détournez le sens d'un signe, c'est la meilleure façon pour vous faire comprendre consciemment la profondeur du sens non détourné du même signe. Alors, dans votre livre, vous donnez des exemples qui sont des exemples vécus. Bah oui. Vous avez, dans votre vie quotidienne, rencontré des collisions qui sont mal passées. Oui, en tout cas mal passées, qui se sont accidentées, c'est-à-dire où vous comprenez mal le signe. Et je pense qu'ils font la richesse de votre livre, en même temps, puisqu'elles vous ont donné à penser ce que vous avez pensé en les voyant. Oui, c'est vrai, et je me suis pris comme objet d'étude, parce que quand vous vous intéressez à la subjectivité, on peut peut-être se servir de manière la plus, plus efficace ou la plus immédiate, avec votre propre matériau, se prendre comme objet d'étude. Mais depuis que j'ai publié ce livre, j'ai eu la chance de pouvoir communiquer avec beaucoup. Alors, certains amis ou collègues, d'ailleurs, figure comme accident de collision dans ce livre, comme d'autres exemples que les miens. Mais depuis, beaucoup de lecteurs, beaucoup de rencontres m'ont livré leurs propres accidents de collision, parce que ça fait partie de la psychopathologie. C'était un des sous-titres initiaux du livre, mais je voulais pas trop singer Freud, là aussi. Mais psychopathologie de la vie quotidienne, ça nous arrive à tous de prendre un signe pour autre chose, simplement, c'est rare. Alors les exemples, je sais pas sur quel exemple vous aimeriez que... Je sais pas, par exemple, vous êtes dans une cabine d'ascenseur à Lisbonne, et vous voyez écrit sur un petit panneau dans la cabine, Pessoa. Voilà, je me souviens bien, c'était il y a quelques années. Et vous admirez Pessoa, comme moi, je pense. Oui, j'admire Pessoa. Et vous êtes éberlé que les Portugais aient un tel culte de leurs grands écrivains. C'est ça, c'est que j'arrive à Lisbonne, c'est la première fois où j'arrive à Lisbonne, j'avais jamais été au Portugal auparavant, et c'était un soir, un peu tard, je monte dans la chambre d'hôtel la veille d'un congrès de neurosciences, et puis effectivement, le temps de monter, juste, donc c'est très court à chaque fois, et j'ai les yeux, le regard sur cette affiche d'ascenseur, tout à fait banale, et je vois marqué 4 Pessoa avec un S. Et ce dont je prends conscience, là, donc on revient sur l'idée initiale, comme pour la pharmacie, je ne me dis pas, ah tiens, il y a Pessoa. C'est ce dont je prends conscience, c'est il y a le nom de Pessoa dans une cage d'ascenseur. Et une fois que je prends conscience de ça sans effort, là, la dimension, on pourrait dire, d'herméneutique consciente prend le relais et construit une sorte de récit qui s'enracine sur cet accident de collision, et ça prend même pas l'arrivée de l'ascenseur. Je suis pas arrivé en haut dans ma chambre, et où je me dis, ah oui, c'est fantastique, il y a vraiment, à Lisbonne, c'est une ville qui a le génie d'arriver à inscrire ses grands auteurs dans des lieux vraiment aussi simples et aussi... Alors que Victor Hugo n'est pas écrit dans les cages d'ascenseur françaises. Voilà, exactement. Alors c'est vrai, évidemment, j'avais pas tout de suite saisi, mais il s'avère que j'avais lu peu de temps avant, quelques années avant, vous savez, il y a ce fabuleux livre de Claude Arnault, qui dit « Je en nous », et qui s'intéressait en fait justement aux personnages qui en fait avaient souvent habité plusieurs personnalités, qui donnaient à voir plusieurs, soit des auteurs, soit des acteurs, soit même des personnages. Et un des chapitres était consacré à Pessoa, et il rebondissait évidemment sur le fait que Pessoa veut dire personne. Et donc évidemment, le temps que l'ascenseur remonte, ce souvenir de lecture m'était revenu à l'esprit en voyant qu'il y avait un S, qu'il y avait 4, donc je me disais qu'il y avait un truc qui collait, c'était bizarre, pourquoi 4 fois Pessoa, 4 fois Fernando Pessoa dans l'ascenseur, ça sent miroir, c'est pas évident. Et puis juste à côté, je voyais un poids en kilos, 320 kilos, et donc là, évidemment, ces différentes briques m'ont permis de retomber sur mes pieds, et avant même que la porte de l'ascenseur ne s'ouvre, de savoir que c'était tout simplement 4 personnes, 320 kilos, comme en France. L'ascenseur, 4 personnes, 4 fois 80, voilà. 320 kilos. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Un autre exemple que vous donnez, c'est aux États-Unis cette fois. Oui. Un nom chinois qui apparaît sur le bitume d'un croisement entre voilà, plusieurs routes. Voilà, j'avais 20 ans, j'étais en stage en Californie à UCSF, et tous les matins pour me rendre au laboratoire, je passais par un croisement et il y avait ce grand panneau, et puis inscrit aussi au sol où il y avait marqué, alors PED, si on doit énoncer, PEDXING, ce que j'avais donc PEDXING, si on veut le lire à la française, PEDXING. Et donc la première chose à laquelle j'avais accédé, c'était un peu comme le même mode en fait, si vous réfléchissez. Donc ça vous révèle aussi des choses sur vous-même, comment vous voyez le monde, quelle est votre posture pour interpréter les choses. Alors j'étais beaucoup plus jeune qu'à l'épisode de Lisbonne, là, mais donc j'avais 20 ans, j'avais un anglais qui était encore un anglais de, on pourrait dire, de lycée français des années 80, qui était... Le même que moi. Je sais pas. Mais, et donc, et la chose à laquelle j'ai accédé là aussi, avec panache et sans effort, et avec en souriant un peu bêtement sans doute, c'est de dire, Pekxing, c'est du chinois, peut-être du coréen, et puis avant pas de partir... Pas du japonais. Alors voilà, avant de partir, j'avais préparé un peu mon voyage, et puis évidemment, il y a la géographie de la ville de San Francisco, et puis il y avait le fait qu'il y avait une communauté asiatique, une émigration asiatique importante, en fait, en Californie, depuis longtemps, etc., et que aussi, j'avais aussi ce cliché, qui est relativement vrai, mais qui est aussi de l'ordre du cliché, qu'évidemment, les côtes aux États-Unis, aussi bien la côte Est que la côte Ouest, par rapport au Midwest, sont vraiment les endroits, les villes les plus ouvertes sur l'extérieur, sur le monde extérieur, qui se font féconder et qui fécondent les autres nations, les autres langues. Et aussi avec le génie américain, le génie de la langue américaine, c'est de pouvoir forger de nouveaux mots, les intégrer. Et donc, à la fin, vous avez un mot chinois qui finit dans une rue américaine, Pekxing. En fait, vous faites un film. Et voilà, c'est un film, c'est un film. Et là aussi, ça a pris du temps. Je ne sais plus vraiment la durée exacte, mais sans doute plusieurs jours, c'est sûr, mais même peut-être plusieurs semaines. Et en fait, je voyais aussi ce signe de. Il y avait une sorte de beau window de l'appartement, qu'on était en sorte de colocation, c'était des appartements de l'université. Et puis, subitement, je me souviens de l'instant, je me disais, en fait, X, souvent, c'est croix, donc cross, donc crossing, donc ped crossing, c'est pedestrian crossing. Et donc là, tout s'effondre, ma pensée rentre c'est dans les clous. Un passage piétonnier. Voilà, exactement. Donc voilà un exemple, mais il faut le saisir dans tout ce qu'il a de la narration, disons, on pourrait dire, la plus fidèle de ce que vous avez vécu. Et dans ce livre, ce que j'essaie de faire, c'est que pour chacun des accidents que j'explore, je commence par essayer d'avoir cette narration. Ensuite, de le neurodisséquer, donc la dissection neuroscientifique de comment ça se fait que j'ai mal compris, qu'est-ce que ça révèle, et donc ça me permet Mais dans les deux cas, c'est des affaires de langues étrangères, en fait. Alors, dans les deux exemples qu'on a pris, ce sont des langues étrangères. Il y a de l'américain que vous prenez pour du chinois. Absolument. Il y a un mot ici, portugais que vous. Exactement. Ne connaissez pas. Et c'est une des conditions, ce n'est pas la seule, mais c'est une des conditions favorisantes des accidents de collision, c'est quand vous êtes face à une langue que vous maîtrisez pas parfaitement. Donc, à l'étranger, on est plus, enfin, on peut rencontrer plus facilement des collisions qui se passent mal que chez soi. Voilà. Je dirais pas qu'il se passe mal, parce que qu'il se passe mal a un aspect péjoratif, parce qu'enfin finalement, chaque fois, ce sont des erreurs qui vont nous éclairer. Ce sont des erreurs qui vont être une source de connaissance. Mais en tout cas, on pourrait dire que une des formules choc de la collisionnologie, c'est cette science des collisions en rigolant, mais en un jeu un peu sérieux en même temps, c'est qu'il y a rien de mieux que de voyager à l'étranger pour favoriser la rencontre avec soi-même à travers des accidents de collision. Mais à nouveau, ce n'est pas nécessairement. Je donne d'autres exemples où les facteurs qui favorisent, c'est la maîtrise de la langue, donc c'est le rapport aussi au langage, et ça veut dire qu'un autre facteur favorisant, c'est l'enfance. C'est que si vous faites attention, les enfants, et on pourrait dire que là, l'enfance est une sorte de paradis de l'accident de collision, on entend des mots qu'on ne sait pas encore bien découper, bien en termes de phonèmes, et donc on va pouvoir entendre les choses directement, et puis on est dans la rencontre un peu de ce que Saussure après l'arbitraire un peu du signifiant, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'un perroquet, ça s'appelle un perroquet, et pourquoi, donc du coup, quand on écoute ces mots pour la première fois, les faire accoucher de leur sens attendu ne va pas de soi. Et donc souvent, on se trompe. Et dans la maîtrise de la syntaxe également des enfants, donc il y a l'enfance, la langue, les langues étrangères, mais il y a aussi d'autres choses qui parfois, je donne un exemple, quand j'étais interne en médecine, etc., vous pouvez même dans votre langue maternelle, avec des mots qui sont pas des mots spécialement rares ou de basse fréquence, c'est-à-dire des mots que vous utilisez assez souvent, vous pouvez parfois être victime d'un accident de collision qui va vous renseigner là aussi sur la manière de laquelle se passe cette première étape. On revient sur ce schéma, deux étapes de la perception, une première étape inconsciente qui dure 0,3 seconde, la deuxième étape qui est consciente. Et là, il y a un principe important qui est vertigineux et sur lequel j'avais commencé à travailler pendant ma thèse. J'avais publié une des premières études qui avait découvert ce principe-là. C'est qu'en réalité, cette première étape qui n'est pas consciente, souvent les gens sont un peu dans le schéma un peu freudien, l'inconscient, ça influence la conscience. Évidemment, on peut en parler, c'est intéressant, mais l'inverse exact existe aussi. C'est que ce premier temps inconscient, il subit à votre insu les influences de ce que vous, vous avez en tête consciemment, ce à quoi vous pensez, ce que vous recherchez, quelle est votre posture. Et donc, il y a un jeu ici intéressant où ce qui se joue inconsciemment en vous vous révèle aussi des choses sur ce que vous aviez à l'esprit consciemment quand vous étiez en train de percevoir un signe. En vous écoutant, je me dis que vous devez être d'accord avec Freud dans l'interprétation des rêves lorsqu'il dit « Pour bien comprendre la vie psychique, il est indispensable de cesser de surestimer la conscience. » Et je dirais que je suis d'accord. Mais que je suis d'accord, souvent les grandes pensées sont un peu comme des mouvements de pendule. Ça peut être déformé ou en tout cas radicalisé ou un peu caricaturé. Et à la différence de Freud, ou en tout cas d'une certaine lecture de Freud, je pense, non, je ne cherche pas du tout à réifier la conscience. Mais je crois que la place de la conscience est primordiale en fait dans la compréhension du jeu entre ce qui se passe de conscient et de non conscient. Autrement dit, ce n'est pas un inconscient tout seul dans un bocal qui est intéressant. Pour meilleure preuve, à ma connaissance, un patient dans le coma ne va pas être un très bon client pour un psychanalyste. Autrement dit, pour voir se livrer à un travail d'analyse, freudienne ou pas, il faut être sacrément conscient. Sacrément conscient pour, à partir de ce point de vue, commencer à réfléchir sur ce qui en vous se joue de manière non consciente. Donc la seule, non pas correction, mais nuance que j'apporterai à ce que vous venez de dire, c'est que oui... C'est pas moi qui dis, hein, je cite Freud. Oui, vous le citez, mais il y a une phrase parmi beaucoup d'autres. Et donc cette phrase-là, elle est importante, mais elle est importante à condition de bien avoir compris que ce qui est premier là-dedans, c'est la conscience. Un exemple, dans le magnifique livre de Freud sur l'interprétation des rêves, peut-être son chef-d'œuvre en 1900, etc., il découvre une méthode... C'est le livre dont j'ai extrait la phrase. Oui, et beaucoup de gens ensuite se trompent et disent « oui ». Donc il y a cette phrase aussi clé qui est « le rêve est la voie royale de l'inconscient hein. ». Donc étudier le rêve, c'est la voie royale pour comprendre, pour accéder à l'inconscient. Voilà. Beaucoup de gens vont de manière un peu caricaturale et disent « ah oui, un rêve c'est inconscient ». Non, un rêve c'est quoi ? Même du point de vue de Freud, avec lequel je ne suis pas totalement d'accord, mais même du point de vue Freud, le rêve c'est une expérience consciente. La preuve, vous vivez des choses à la première personne, vous vous en souvenez, vous pouvez les rapporter, les déformer, etc. Mais pour Freud, le rêve est un état conscient dans lequel ce qui est vécu de très bizarre vous informerait sur ce qui en vous se passe de non conscient. Donc le rêve, c'est très conscient. Donc pour revenir à votre citation, on peut essayer de comprendre tout ce qui joue en nous de manière inconsciente, mais il ne faut pas oublier que tout cela, en fait, est centré par le fait que vous êtes, que vous soyez conscient. Et c'est le jeu entre cette conscience et tout ce qui procède de manière non consciente qui devient intéressant. Mais est-ce que j'ai le droit de dire que votre science, disons les neurosciences pour vous, oui. Lionel Akash, serait la science de la subjectivité? Est-ce que c'est ça qui vous intéresse? En tout cas, moi, c'est ce qui m'a amené à faire des neurosciences et à faire de la neurologie, où j'avais dans mon cursus médical, je m'étais un peu confronté à la neurologie, à la psychiatrie, les deux spécialités qui m'intéressaient, parce que, comme je vous le disais, le point qui m'intéresse le plus, c'est ça, mais de trouver, en réalité, d'arriver à penser les conditions objectives de l'émergence de ce phénomène psychologique subjectif, c'est ça qui me passionne, qui me fascine. Et alors, je ne suis pas le seul, évidemment, heureusement, mais par contre, les neurosciences ne se résument pas à ça. On peut faire des neurosciences sans s'intéresser spécifiquement à cette couche de phénomènes subjectifs ou de psychologie. Les neurosciences sont un univers absolument sidérant et qui comporte de nombreux niveaux d'études, différents phénomènes que vous pouvez dire, la motricité, la douleur, ou même au niveau vraiment ultime de la manière de laquelle un neurone fonctionne ou l'interaction entre les cellules gliales et les neurones ou la constitution des différents réseaux cérébraux. Donc, on n'est pas obligé de s'intéresser uniquement à la subjectivité. Mais moi, c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse. Alors, revenons à ces accidents de collision dont vous parlez, qui font la matière de votre livre. Vous êtes en CM2 en 1979, je crois. Oui, c'est ça. Et là, il y a un gros accident. Oui, un accident. Parce qu'il y a une jeune fille dans votre classe qui porte une croix, qui vous interpelle parce que c'est l'époque où on diffuse à la télévision la série Holocauste. Voilà. Alors, je sais pas si tout le monde a, tous nos éditeurs ou auditrices sont en tête parce que il faut commencer à être assez âgé comme nous le sommes. Il faut avoir une petite cinquantaine au moins. Voilà, c'est ça. c'est-à-dire qu'en fait, en 79, il y a eu effectivement la diffusion, en fait, dans les pays occidentaux, Europe de l'Ouest et États-Unis notamment, peut-être aussi ailleurs, mais on pourrait dire du première série télévisée qui visait en fait à populariser ou à médiatiser le drame de la Shoah qui s'appelait à l'époque encore l'Holocauste et qui permettait de suivre le destin d'une famille juive allemande à travers ce drame. Donc c'était aussi très incarné dans des personnages, des sentiments, des relations humaines, etc. Donc vous avez cette série qui était diffusée en 79, notamment en France, mais pas que en France, à raison, comme à l'époque, hein, d'un épisode par semaine, et c'est une époque où il y avait à peu près une chaîne, quoi. Il y a plus qu'une chaîne, mais trois tout chaînes. Le monde voyait. Oui, mais en gros, quand vous étiez, moi je me souviens que le matin, tout le monde parlait du même western, on voyait à peu près tous la même chose, la majorité, quoi. Et donc vous avez ça, donc il y a un contexte. Et on revient à mon schéma, eh bien, ce contexte en fait, définissait du coup une posture subjective de se rendre encore plus attentif à tout signe antisémite, d'autant plus qu'en 79 j'avais 10 ans, je suis juif, donc j'étais déjà aussi un petit garçon juif parisien qui était déjà préoccupé par cette dimension de son identité avec différentes facettes. Voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement dans ces classes de CM2, une école publique à Paris, il y avait cette camarade qui nous avait rejoint au bout de quelques mois. C'était pas dès la rentrée. Donc, ce qui a aussi spécifié son statut. Elle était arrivée, en fait, probablement comme enfant de réfugié politique du Laos, avec ses parents, etc. Et au début, j'ai rien remarqué à ce dont vous allez parler, qui est l'accident de collision. Donc, avant que Holocauste ne soit présenté, j'ai pas été sensible. C'est pas à ce moment-là que l'accident de collision est survenu. C'est après. Après. Mmh. C'est pendant cette période-là. Et donc, pour arriver à l'épisode, effectivement, cette camarade qui était par ailleurs extrêmement gentille, très discrète, très douce, je me rends compte en plein milieu de ces semaines de projection de cette série Holocauste, qu'en réalité, elle a un pendentif qui est une croix gammée dorée. Et qui évidemment agit, je vois ça, je suis tétanisé. Ce dont je prends conscience, on revient à la croix verte de la pharmacie ou à n'importe quel autre signe, je prends conscience qu'il y a une nazie dans la classe. Il y a une croix gammée, c'est une. Et que je suis très, je me souviens, ensuite on se souvient un peu de choses de 10 ans, mais je me souviens simplement de l'impression d'être très emmerdé, de se dire, entre guillemets, je suis un peu commis par Holocauste de réagir à cette... Il faut faire quelque chose, et en même temps, il s'avère que ça tombe sur la personne la plus douce et la plus sympathique, et en tout cas, sympathique, pas beaucoup, mais la plus douce et la plus discrète de cette classe. Donc pendant la cour, je vais la voir, je lui parle, et je finis dans le bureau du directeur qui a eu cette, en tout cas, qui a rempli sa mission pédagogique, non pas de mettre l'accident sous la table, ou non pas d'user d'autorité et de faire taire quelqu'un, en fait, de jouer sa fonction pédagogique. Et de m'expliquer, vous savez, en fait, regardez, cette croix, en fait, c'est une croix en miroir que vous avez, et cette croix en miroir, c'est une croix lévogire, elle n'est pas dextrogire, elle ne tourne pas dans le sens habituel, et en fait, ce n'est pas du tout un symbole nazi, c'est un symbole bouddhique, c'est un symbole culturel, religieux, cultuel, et qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec le nazisme, ce que j'ignorais à l'âge de 10 ans, évidemment. Donc, ce qui a permis, face à ce swastika, de corriger cet accident de collision, de comprendre que ce symbole n'était pas celui que j'avais perçu immédiatement, et au passage, du coup, d'immédiatement se réconforter, donc, de pouvoir, ça, disons que vous de avez pouvoir compris être la... avec cette petite fille, de pouvoir retrouver une relation amicale, et de ne plus avoir à en vouloir à quelqu'un d'aussi doux et d'aussi gentil. Grâce au fait que vous venez de comprendre ce qu'on appelle la chiralité. La chiralité, absolument, que j'irai étudier plus tard. Alors, c'est le moment de passer le deuxième morceau de musique que vous avez choisi. Oui. La flûte enchantée, Mozart. Nous allons l'écouter. Oh, La flûte enchantée, Mozart, l'air de la vengeance, oui. Choisi par Lionel Nakache, quel rapport avec notre sujet ? Alors le rapport, on reste sur les jeux de mots évidemment et sur cette variation autour du titre, puisque le premier morceau renvoyait à l'homophonie négative du titre, le chant du cygne comme peut-être le dernier cri à pousser de la subjectivité, notre plus beau cri, avant de succomber et de succomber sous la tyrannie des cygnes, S-I-G-N-E-S. Et là évidemment, tout l'objet de ce livre, à travers l'accident, l'analyse des accidents de collision, qui comme on l'a dit, nous révèle comme interprète. Et qui ont, quand on tire ce petit fil, on finit par comprendre qu'en réalité, nous restons les interprètes subjectifs de toutes nos rencontres avec les cygnes, même lorsque ces rencontres se passent, entre guillemets, bien, lorsqu'elles ne donnent pas à voir le fait qu'il y a cette statue d'interprétation, eh bien, je pense que ce livre et cette démarche, ce n'est pas la seule chose, mais c'est une petite brique qui peut s'inscrire dans une démarche qui vise à réenchanter nos rencontres avec les cygnes, non pas de pousser notre chant du cygne et de succomber à la tyrannie des cygnes, mais à réenchanter notre statut d'interprète et à refaire des choses, on pourrait dire, qui s'inscrivent dans une dimension poétique avec les cygnes, et d'où, vous évidemment, dites la flûte enchantée. Vous dites ça comme si vous vouliez réparer votre premier choix. Non, mais parce que réalité, c'était même en écrivant ce livre, c'est rapidement une des dimensions qui est apparue. C'est qu'il y a le statut, on pourrait dire, de la liberté, de ce qu'on veut définir comme la liberté du sujet face aux cygnes, et qui est une dimension importante de notre existence, et que du coup, l'homophonie à nouveau entre le chant du cygne versus réenchanter les cygnes, je trouve que ça cristallisait assez bien ce que je voulais faire dans ce livre, en sachant aussi que cette dimension des rencontres avec les cygnes, elle peut nous amener beaucoup plus loin encore. Alors, je ne sais pas si vous avez eu plus de collisions accidentelles que la moyenne des gens. En tout cas, vous en avez eu beaucoup, elles vous ont inspiré. Il y en a une que vous racontez qui remonte à l'année 1996-1997. Vous êtes interne en neurologie. Oui. Vous faites votre service militaire. C'est ça, je fais mon service militaire, j'étais au Val-de-Grâce. Et alors il se passe un truc. Alors il se passe un truc. Alors mini introduction pour comprendre, parce qu'à nouveau, si on revient sur le schéma unitaire qui vise bien au-delà de moi, là ma petite personne est utile, non pas de manière narcissique, mais pour explorer de vrais accidents dans la chair des accidents, et ensuite une fois de plus, chacun peut prendre ses propres accidents. Donc là, si on revient sur le scénario où face à un cygne, il y a un premier temps inconscient, mais qui en fait subit ce que vous avez consciemment en tête, et ce à quoi vous accédez, c'est quelque chose dont vous n'êtes pas l'agent, mais en fait vous êtes l'agent indirectement par vos influences sur cette consciente, sur ce traitement inconscient. Alors maintenant, j'accouche de cet accident. 96, effectivement, je suis au Val-de-Grâce, je fais mon service militaire en neurologie, puisque j'étais interne en neurologie dans le civil. Et en même temps, pendant que vous faites votre service militaire, souvent, vous voulez ne pas perdre complètement cette année consacrée à l'armée. Et donc, on peut souvent arriver à faire aussi de la recherche en même temps. Comme scientifique du contingent, c'est alors, ça ? Alors, en fait, vous restez dans le corps médical, mais vous arrivez à être affecté à un laboratoire. Pour les médecins, il y a des postes de médecins de recherche. Et donc, initialement, je devais travailler sur ce qu'on appelle les maladies à prion. Les maladies les plus connues sont les maladies de Creutzfeldt-Jakob, où, évidemment, il y a eu des formes génétiques, notamment, qui ont été notamment développées, à travers les susceptibilités génétiques face à la consommation d'hormones de croissance extraites de cadavres humains. C'était un drame pour des familles, des enfants. Et puis, il y a eu aussi toute l'encéphalopathie spongiforme bovine avec le franchissement d'espèces, etc. Donc, ces maladies à prion. Et il y avait un grand chercheur français qui est décédé malheureusement depuis, qui était le professeur Dormont, qui travaillait à Fontenay-aux-Roses. Et je passe sur les détails. Je finis non pas par être affecté dans son service, mais par être affecté dans deux services. La moitié du temps à l'hôpital en neurologie au Val-de-Grâce et l'autre moitié chez lui. Et donc, je commençais à être tiraillé et j'avais en tête le fait que j'allais devoir faire, à l'époque, on appelait ça un DEA, c'était les Master 2 de maintenant, un DEA en arrivant un peu après, parce qu'il y a eu un peu de cafouillage, j'étais un peu à Marseille avant. Bon, bref, une atmosphère un peu stressante pour moi à devoir faire un DEA à mi-temps sur les prions, sur ces fameuses maladies à prions. Ça, c'est l'arrière-plan de ma vie mentale à ce moment-là. Et par ailleurs, je suis médecin, je suis neurologue. Et une des raisons pour lesquelles je fais ça, sans faire de violon, c'est parce que j'estime que c'est très important de pouvoir être dans une posture d'aide face à ces patients et en étant très, très précautionneux de tout ce qu'il y a de violent dans le rapport aux patients. Parce qu'il y a un aspect un peu vertical, il y a donc j'ai tout ça en tête. Et puis j'entre pour une visite hebdomadaire, comme il y a dans tous les services de médecine et de neurologie, avec mon chef de service, les autres médecins du service, les infirmières. Et on rentre dans une chambre d'hommes. Et le chef de service me demande de commencer à faire un débriefing sur l'un des patients. C'était une chambre multiple à plusieurs lits. Et en rentrant sur le côté, je vois juste la table de chevet d'un autre patient, pas un patient vers lequel on devait aller. Donc une information qui vient, qui s'impose à moi, mais je suis dirigé vers ailleurs déjà. Et en fait, ce dont j'ai le temps de prendre conscience, c'est qu'il y a un CD musical sur la table de chevet de ce patient. Et sur ce CD, il y a marqué Prions, P-R-I-O-N-S. Donc là, on parle du français, ma langue maternelle. Le verbe prier, c'est pas un verbe particulièrement rare, etc. Mais ce que j'ai compris en voyant ce CD Prions, c'est Donc ma prise de conscience, c'est quelque chose qui était comme, c'est dingue, ce malade va à l'hôpital et il emmène avec lui un CD scientifique sur les prions, sur les molécules prions, sur les... Et avant de comprendre, et qui m'a pris un temps considérable, dans la journée, mais plusieurs heures sans doute, pour retomber et comprendre qu'effectivement, c'était un CD de musique liturgique, religieuse, chrétienne. De prière. De prière, en fait, prions, le verbe prier, mais que je n'avais pas compris, auquel je n'avais pas accès. Donc là, on est face à un signe qui est polysémique. Donc vous avez un mot, effectivement, il s'avère que le mot prions, on peut le comprendre comme le pluriel des prions, ou comme le verbe conjugué, première personne du pluriel, au présent, l'indicatif, prier, prions, voilà. Et donc là, vous êtes face à un signe qui est vraiment polysémique. Et il s'avère en plus que dans l'équilibre entre les deux sens, il y a un sens qui est beaucoup plus fréquent que l'autre, le verbe plutôt que les prions. Mais le fait que ce à quoi j'accède face à ce sens, ce signe un peu instable, une sorte de métastabilité, a une des deux significations, et en l'occurrence la plus rare pour tout le monde, c'est que pour moi, ce n'était pas la plus rare à ce moment-là. C'était ce qui préoccupait en fait l'arrière-plan de mon esprit, les maladies à prions, les protéines prions. J'avais lu des livres depuis très longtemps, j'étais en train de lire beaucoup d'articles, à préparer des expériences sur les prions. Et donc quand je vois ça, la première chose qui me tombe un peu sous les yeux, c'est en fait on parle des prions. Et ce qui vous informe sur aussi ce qu'on pourrait appeler les limites de l'empathie. C'est que quand vous êtes médecin, a priori, c'est que vous voulez aussi que votre empathie soit mise à l'épreuve et soit utilisée et soit sollicitée pour ne pas rester indifférent au malheur des autres et en l'occurrence des patients dont vous vous occupez. Vous essayez d'aider, mais malgré tout, vous pouvez tomber comme ça sur les limites de l'empathie. C'est-à-dire que, en réalité, vous ne pourrez jamais vous mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et rien ne va jamais empêcher que votre interprétation subjective du monde sera pas nécessairement superposée à celle d'autres personnes, et notamment celle de ces personnes pour lesquelles, pour autant, vous voulez vous rapprocher, partager ce qu'elles sont en train de vivre à la mesure du possible pour les aider. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors si on revient sur cette expérience, celle du prion au pluriel, si j'ose dire, oui. Qu'est-ce qu'elle vous apprend finalement sur votre pensée ? Alors, elle m'apprend plusieurs choses. D'abord, une fois de plus, c'est qu'elle permet à travers ces signes polysémiques de réaliser quelle est la pondération subjective. C'est-à-dire que si vous dites, vous prenez un corpus de texte, vous calculez la probabilité, vous prenez sur Google ou sur des encyclopédies en français, vous prenez prions, vous allez voir que la fréquence du verbe est nettement plus importante que celle des particules, des protéines prions, quoi. Donc vous allez dire, il y a une fréquence objective qui devrait faire comprendre prions le verbe. Le fait que j'ai compris la plus rare, ça veut simplement dire que ma pondération subjective à moi à ce moment-là était opposée. La position de médecin l'a emporté sur la position du malade qui lui s'intéresse sans doute plus à... Je ne dirais pas du médecin, parce que je pense que la plupart des médecins auraient compris le verbe prions, mais la position de quelqu'un qui était en train de faire de la recherche sur les prions et qui, pour lequel, c'était une angoisse, parce qu'en réalité, il avait un retard à accumuler, des choses à faire, à être l'après-midi au laboratoire. Et donc là, ma pondération subjective, c'était ça. La seconde chose, peut-être plus importante, c'est qu'en réalité, en vivant et surtout en écrivant autour de cet accident de collision, ce que j'ai réalisé, c'était une sorte d'éclairage un peu différent d'un des résultats, peut-être, je ne sais pas si on va appeler ça un résultat, mais en tout cas qui, pour moi, m'aide beaucoup à penser depuis très longtemps, c'est le cogito de Descartes, le « je pense, donc je suis » de Descartes. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase, pour vous ? J'allais vous poser la question, mais parce que... Voilà. Mais écoutez, l'entendement habituel, simple, et que j'avais jusqu'à très longtemps, et qui me paraissait absolument lumineux, c'est que Descartes cherche des fondements apodictiques de l'existence. Comment savoir que j'existe, et sur quel résultat commencer à construire quelque chose de manière indubitable. Et puis il commence par réaliser que, évidemment, ce que nous percevons, ça peut être une illusion, ça peut être une hallucination, ça peut être... Donc je ne vais pas développer tous ces aspects-là. Donc autrement dit, on arrive sur le résultat que le contenu de la pensée, on pourrait dire tout contenu possible de la pensée, est sujet à discussion. On peut imaginer que ce n'est pas vrai, en fait, que ça n'a pas de statut de vérité. Et le génie de cette démarche, c'est de se dire ce qui va être repris par la phénoménologie, par Husserl et d'autres, c'est de faire cette démarche d'époquer, de mise entre parenthèses. Bon, ce que je pense de moi, du monde, etc., mettons-le entre parenthèses. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, on met entre parenthèses. Et on voit, est-ce qu'il reste quelque chose ? Ah bah oui, il reste quelque chose. Il reste, moi, en train de penser. Ce que je pense, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a cette activité pensante. Et ce « je pense », qui est isolé ainsi par cet acte de réduction, eh bien ce « je pense », on peut l'utiliser comme fondement apodictique de mon existence. Et là, on peut commencer à construire une philosophie de l'existence. Alors ça, c'était mon entendement habituel de ça. Et ça m'a beaucoup aidé, et même dans mes travaux sur la conscience. Mais ce que j'ai compris avec ça, c'est qu'on peut l'entendre différemment, c'est que le « je pense, donc je suis », ça est aussi une leçon d'humilité. C'est « je pense, donc je suis », ça veut dire « je ne peux pas penser autrement que je suis capable de penser ». Je ne peux pas être autre que celui qui en moi pense ce qu'il pense. Donc vouloir vous abstraire par une posture un peu désincarnée, de dire « oh ben vous savez, je peux penser un peu, je peux me détacher des contingences de mon identité, etc. » Mais bullshit, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on peut se regarder penser ? penser. Ça veut dire qu'on peut se regarder penser peut-être, mais qu'en tout cas, on ne peut pas s'abstraire facilement de qui nous sommes. Autrement dit, il y a une humilité dans le « je pense, donc je suis », c'est que je ne peux être que celui qui, en moi, est capable de penser ce qu'il pense. Et que ça, c'est un... Alors évidemment, vous voulez ne pas rester là, vous voulez pas rester dans une sorte de beaufitude de votre périmètre, mais en tout cas, le point de départ aussi peut-être du « je pense, donc je suis », c'est de se dire que pour arriver à avoir un effort sur... l'identité subjective qui est la vôtre, il faut partir de ce résultat difficile peut-être à accepter, c'est qu'il y a un point de départ qu'il faut prendre en compte. Ne pas le voir ou penser qu'il n'est pas là pour une posture bien pensante ou autre, c'est une erreur, c'est une illusion, c'est une... on peut... peut-être de la mauvaise foi... mais prendre conscience qu'on pense, c'est en quelque sorte se dédoubler. Oui, mais alors, vous avez raison, mais à mes yeux, la conscience est toujours réflexive. Alors non, je dis ça parce qu'il y a un argument d'Auguste Comte que je vais vous livrer, oui. Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais oui. J'aimerais avoir votre avis là-dessus de Lionel Nakache. Voilà ce qu'écrit Auguste Comte, « L'individu pensant ne saurait se partager en deux, dont l'un raisonnerait tandis que l'autre regarderait raisonner. L'organe observé et l'organe observateur étant, dans ce cas, identiques, comment l'observation pourrait-elle avoir lieu ?» Oui, c'est fabuleux, c'est un des paradoxes autour de la conscience. Ouais. C'est un peu ce qu'on disait au tout début. Comment Absolument. Est-ce que la pensée peut penser ce qu'elle est sans être confondue avec elle? C'est vrai, mais vous savez qu'il y a ce concept en philosophie qui a beaucoup été développé, notamment, je crois, par Paul Ricoeur, soi-même comme un autre. Et que si vous réfléchissez, donc ce dédoublement intérieur, de pouvoir se considérer soi-même comme un autre, se voir de l'extérieur, essayer de prendre une propre distance sur sa pensée, je pense que là, c'est une des propriétés fondamentales de la conscience. La conscience est capable de dire non à sa pensée? Non, en tu te trompes. En tout cas, de la prendre comme objet. Ou de la corriger. De la prendre comme objet, alors que c'est elle-même qui la génère. Peut-être une des clés, évidemment, là, on énonce des paradoxes plutôt que d'avancer, mais un des points, peut-être, c'est que vous savez, le temps du cerveau, si on peut parler de temps, le temps du cerveau, le cerveau ne vit pas dans le présent vraiment. Il vit plutôt dans un présent du futur. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une posture d'anticipation de ce que nous ne sommes pas en train de vivre. Et ce petit décalage temporel subjectif, il permet peut-être aussi de se prendre comme objet, puisqu'on ne se pense pas au même temps. C'est-à-dire que le temps pensant prend comme objet une dimension de l'identité subjective ou de la pensée qui n'est pas synchrone, on va dire, avec celle qui est à l'action. Mais quand je dis « j'ai une idée », qu'est-ce que je veux dire? Dans quelle mesure est-ce que les idées que j'ai m'appartiennent? Alors ça dépend si vous parlez en termes de copyright. Non mais en termes de... En quoi est-ce que leur origine est en moi? En quoi leur origine est bien d'ailleurs? Alors ça dépend si... peut-être ma première réaction, ça dépend quel est le périmètre de ce que vous voulez appeler moi. Si moi, c'est moi conscient, eh bien la plupart de nos idées ne viennent pas de nous. Mais nous savons que notre moi conscient... il interagit en permanence avec plein de processus inconscients. Donc si vous prenez comme périmètre cette fois-ci vos interactions, on pourrait dire qu'il y a une danse, il y a un ballet permanent entre les faces conscientes et non conscientes de notre vie mentale, et bien là, on peut capturer, on peut saisir beaucoup de ce qui se passe. Vous savez, même dans la découverte ou dans la pensée, il y a une recette de la créativité qui est fondée sur un ballet entre ce que vous saisissez consciemment et ce que vous ne saisissez pas consciemment, mais qui se joue en vous. Donc je pense que le périmètre de ce que nous pensons est bien plus large que ce que nous saisissons consciemment, et on retombe sur ces influences réciproques entre conscient et inconscient. Alors est-ce que c'est comme ça que vous comprenez la phrase de Diderot par la bouche du Nouveau Drameau, « Mes pensées sont mes catins », que vous citez d'ailleurs dans votre livre, est-ce que c'est comme ça qu'il faut la comprendre? Ouais, alors je ne sais pas, c'est intéressant, parce que moi je le voyais sous un éclairage un peu différent, c'est que je cite cette phrase à un moment donné où j'essaie de rentrer dans un contenu de la forme de ma psychologie ou quand j'étais enfant, etc., avec l'impression de beaucoup aimer jouer avec des idées, à vouloir faire et trouver un peu s'évertuer à faire sens de choses bizarres, en fait, d'idées qui naissent en vous, vous savez pas d'où elles viennent, mais vous essayez de leur construire une ossature rationnelle, et puis ça marche pas, etc. Donc la dimension, pour moi, c'était la dimension ici ludique, dans l'aspect de la dimension du jeu, et d'un jeu vraiment avec vous-même, quoi, et d'un plaisir qui naît de ce jeu avec vous-même, mais de pouvoir prendre les choses de manière non sérieuse. Cette idée, vous ne la posez pas sur une statue, ce n'est pas un dieu, ce n'est pas une idole. Vous jouez avec, et puis vous voyez ce que ça produit. Et puis, si ça ne produit pas quelque chose, ben vous passez à autre chose. Mais si elle est bien, vous pouvez continuer, etc. Alors, peut-être qu'on peut lui apporter l'éclairage que vous venez de mentionner. Alors, pensons maintenant non pas aux idées, mais à la poésie. On est d'accord que la lecture d'un poème renvoie à la subjectivité de celui qui lit. Oui. Il y a plusieurs sens, plusieurs interprétations. Ça peut évoquer plusieurs choses selon les sujets. Or, vous citez... un livre de Paul Venn, qui s'intitule « René Char en ses poèmes », dans lequel il explique que René Char pensait qu'il n'y avait qu'une seule façon de lire ses poèmes. Ouais, j'ai trouvé ça fabuleux. Moi aussi, je trouve ça étonnant. Il dit ceci, alors là, je cite René Char cité par Paul Venn, « Mais c'est un monde, puisque je vous dis qu'il n'y a pas d'autre sens, Vous n'allez pas mieux savoir que moi ce que mon poème veut dire. D'accord, un texte a plusieurs sens. D'accord, on peut lui trouver tous les sens qu'on veut. Ou du moins, ce n'est pas interdit par la loi. Mais on n'est pas puni pour cela. Mais enfin, un texte a un sens. À la rigueur, il en a deux. Mais il n'a pas n'importe quel sens. Et il a un sens meilleur que les autres. Ouais. Je trouve ça merveilleux. Ça veut dire qu'il n'autorise pas l'interprétation ? Alors, je pense qu'il autorise l'interprétation, mais peut-être, c'est tel que je le perçois en tout cas moi, et il s'avère que cette citation, je la mentionne, parce que cette lecture m'est revenue en tête face à l'avancement dans le livre d'une conception de la poésie qui pourrait se dire, la poésie, si c'était ça, si c'était ce qu'on disait tout à l'heure, c'est apprendre à détourner le sens des signes, non pas pour que le lecteur fasse n'importe quoi dans une sorte de narcissisme débridé et qu'il voit ce qu'il veut là-dedans, comme une sorte de pensée aveugle, automatique, mais un peu comme peut-être le surréalisme le ferait, par exemple. Mais de se dire qu'on peut avoir une conception de la poésie dans laquelle le poète utilise de manière extrêmement déterminée un détournement de signes, sort d'une cryptographie d'un sens, mais d'un sens qu'il a déposé, et que la tâche du lecteur est d'accoucher de ce sens par sa propre interprétation, mais d'arriver sur ce sens. Presque un sens, on pourrait dire, avec une solution unique d'un problème mathématique même. Donc de trouver chez un immense poète comme René Char cette idée que face à un texte qui semble, à première vue, hermétique, donc ouvert à la polysémie, ouvert à l'invitation à l'interprétation subjective, mais de voir qu'effectivement, c'est une ouverture à l'interprétation subjective du lecteur, mais contrainte par une signification qui est cryptée et à laquelle on demande au sujet d'accéder de par lui-même, eh bien je trouvais que ça cristallisait la tension qui pour moi est fondamentale dans la poésie, c'est de ne pas envisager la poésie comme une sorte de déversoir narcissique débridé. Ça peut être intéressant, mais bon, moi ça m'excite pas trop. Mais d'imaginer la poésie comme cette tension entre deux subjectivités, avec un principe de loi, on pourrait dire, qui est, il y a une signification à laquelle tu dois accéder, mais tu dois y accéder par toi-même. Et en y accédant, évidemment, qu'on n'y accédera pas de la même façon que l'auteur. Mais donc, ce jeu de contraintes entre des subjectivités, je trouve qu'il rehausse la valeur de l'art poétique. Alors, c'est ma lecture, hein, voilà, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais j'étais subjugué de découvrir que René Char, à travers Paul Venn qui restitue cet épisode, en tout cas, propose une lecture assez proche. Lionel Nakache, cette émission n'est pas votre champ du cygne, vous avez manifestement beaucoup de choses à dire encore, mais c'est la fin de cette émission, je recommande la lecture de votre ouvrage Le champ du cygne. Merci. C'était c'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Jean-Richard Dufour et à la réalisation François Connick.